130 livres, chronique du 3 mai 2022, Confess de Rob Halford. Walsall, début des années 60, au cœur des West Midlands. On surnomme cette région industrielle à l'accent épais le Black Country. Pour gagner son école à pied, un môme doit passer à proximité d'une gigantesque fonderie. L'air vicié qu'elle recrache jour et nuit le fait suffoquer comme il souille les draps qu'on étend dans les jardins alentours. Suffoquer fera longtemps partie du quotidien de ce gamin, même devenu chanteur de l'un des plus grands groupes de heavy metal au monde. Il devra presque attendre jusqu'à la cinquantaine pour enfin oser faire son coming out. On tient là une intrigue romanesque en diable. Si le rocker peinant à affronter ses démons relève du stéréotype, la collision entre un monde du rock extrême réputé puissamment machiste et le tabou toujours vivace de l'homosexualité au XXe siècle apporte une originalité certaine à cette autobiographie. Car Rob Halford existe bien, même si sa notoriété en France après 50 ans de carrière, comme celle de son groupe Judas Priest, demeure largement restreinte à la tribu des Hardos. Le Priest, c'est une glorieuse sidérurgie musicale, un son lourd et métalliquement pur au service de gros riffs entêtants qui lorgnent vers leurs voisins de Birmingham, les pionniers de Black Sabbath. Mais c'est aussi, comme les cousins londoniens d'Iron Maiden, des accélérations qui vous collent au fauteuil, le dialogue entre deux guitar leads se partageant solo et mélodie, et une signature vocale extraordinaire. En termes génétiques, Rob Halford est une harpie, la stridence de ses hurlements l'atteste, capable toutefois d'adapter avec talent sa voix à quantité de registres plus humains, le tout avec un phrasé aussi british qu'une part de Christmas pudding. Confess est d'abord l'histoire de ce frontman révéré du heavy metal, né dans une Angleterre de l'après-guerre toujours soumise au rationnement où la petite maison en briques rouges de ses parents est alimentée en électricité via un compteur à pièces. Rob se découvre un talent de chanteur dès l'école primaire, comprend à peine plus tard qu'il préfère les garçons, devient fan des Beatles puis de Led Zeppelin, envisage un temps une carrière d'acteur, dirige une boutique de mode pour messieurs, effectue une pige en dépannage dans un sex shop, il n'a donc pas travaillé dans un cinéma X l'occasion pour lui d'un gentil tacle à Wikipédia, et enchaîne deux groupes de rock sans avenir avant que le petit copain bassiste de sa sœur, Ian Hill, ne lui propose un bout d'essai dans sa formation nommée Judas Priest. Entre les trois blocs de Walsall, Rob, Ian et Kenneth Downing, le guitariste à crinière blonde, une alchimie fondée sur le respect et la simplicité se produit en un clin d'œil. Gull, premier label à les avoir sous contrat, suggère l'addition d'un second gratteux avant l'enregistrement de leur album initial. Ce sera le très professionnel et déterminé Glenn Tipton, né dans un patelin un rien moins prolétaire que Walsall. Le récit de la maturation artistique et de la montée en puissance du Priest, des tournées des pubs en minivan cradingue jusqu'au set du Festival US de 1983 devant un tiers de million de spectateurs à San Bernardino, relève d'un certain classicisme. C'est aussi le cas de l'histoire des décennies suivantes lorsqu'il est désormais question de durer, voire se renouveler. Les fans se passionneront pour le point de vue du chanteur sur les épisodes marquants de la vie du groupe, comme un premier passage épique sur la BBC dans un chemisier chamarré emprunté à sa sœur, les conditions d'enregistrement des différents albums expliquant des résultats diversement satisfaisants, le choix du look cuir et clou à la fin des années 70, dont Halford nie qu'il fût un message pas si subtil sur sa sexualité, l'overdubbing de sa voix défaillante sur le légendaire live japonais Unleashed in the East, la dévastation du Madison Square Garden par les fans en 1984 qui leur vaudra un bannissement à vie, les changements successifs du titulaire à la batterie, les participations dantesques à Rock in Rio, le procès insensé de 1990 pour incitation au suicide après que deux malheureux gamins se fussent flingués en écoutant Stained Glass, la blessure de Rob lors de sa traditionnelle entrée sur scène en Harley à Toronto en 1991, son départ de Judas Priest dans la foulée, qu'il attribue à un malentendu autant qu'à la lassitude, ses productions en solo plus ou moins couronnées de succès, ses remplacements au pied levé d'Ozzy Osbourne et Ronnie James Dio, puis des années 2000 et 2010 aux allures de bain de jouvence après son retour dans le groupe, malgré les remplacements forcés des frères ennemis Downing et Tipton. Il s'agit bien de l'autobiographie de Rob Halford et pas d'une tentative de préemption de l'histoire officielle du groupe. Ainsi, le chanteur se montre-t-il aussi disert sur ses propres tourments et turpitudes que discret sur le côté sombre de ses camarades. Au-delà de quelques allusions aux différences de leur caractère, point de révélation fracassante sur l'éléphant dans la pièce, la rivalité entre les deux guitaristes historiques de Judas Priest. D'une part, Halford attribue au fait qu'ils aient partagé la réserve pudique des bons gars du Black Country un rôle important dans la longévité du groupe. Nul n'empiétait inconsidérément sur l'existence des autres. D'autre part, le chanteur en fut lui-même le principal bénéficiaire. Sans qu'il eût allé leur révéler, ses préférences sexuelles tinrent très vite du secret de Polichinelle au sein de Judas Priest. Mais les autres s'en fichaient pas mal et se gardèrent bien d'ébruiter l'affaire. Reste à savoir si l'accord tacite a plus tenu de la bénédiction ou de la cruauté pour un Rob Halford rongé par un sentiment de responsabilité croissant à mesure que le groupe enchaînait les succès. En pleines années 70 ou 80, un coming out dans le milieu du heavy metal eût constitué un sabordage pur et simple. C'est pourquoi le chanteur, alors que la renommée offrait à ses partenaires un large choix de groupies à chaque fin de concert, en était littéralement rendu à gagner en taxi les toilettes du relais routier le plus proche pour y chercher satisfaction à travers un glory hole. Et oui, un glory hole ou trou de la joie à pratique immortalisé par le groupe Steel Panther, dont Alford raconte aussi comment il insista pour les avoir en première partie. J'invite ceux qui en chercheront la signification sur Internet à éviter Google Images. Car on ne rendrait pas justice à Confess sans insister sur sa crudité quasi documentaire. Non seulement Rob Alford exorcise ses longues années vécues sous les guédards officiels, le paradoxe étant que la plupart des fans imaginaient sans doute ce qu'il en était vraiment, en tout cas j'en faisais partie, mais on comprend également qu'il entend ici partager le quotidien souvent sordide de quantité de ses contemporains. De ses premières expériences maladroites à Walsall, à son moment George Michael de Venice Beach, en passant par Austin, Texas, où celui qu'il venait d'empoigner s'avéra un fan médusé, et Philadelphie, quand il consomma instantanément avec un futur amoureux après le Live Aid, il est ainsi beaucoup question de latrine publique. Le ton est tantôt drôlatique, tantôt moins. L'intention n'est pas tant d'apitoyer le lecteur que de lui montrer ce qui restait une réalité pour beaucoup dans un passé récent. Voir le présent, à en croire les avertissements inamicaux reçus avant un concert à Saint-Pétersbourg pour s'abstenir de toute propagande invertie supposée. Comble du désarroi, hors étreinte anonyme mutuellement consentie, Rob Alford confie avoir été abusé par des prédateurs avant et après le début de sa carrière. Il reconnaît aussi qu'il manqua singulièrement de discernement les premières fois qu'il tenta de vivre en couple, s'apercevant hélas trop tard que ses compagnons étaient moins des gays amoureux de lui que des hétéros très conciliants à l'idée de partager la vie d'une rockstar. Un type en resta des années au stade de l'amitié ambiguë. Un autre, apparemment formidable au lit, finit par se suicider après avoir mis une maîtresse enceinte. Rob et lui s'étaient envoyés assez de cocaïne pour défoncer une ville moyenne toute une année. Car la piteuse vie sentimentale que s'attribue le chanteur eut l'effet qu'on devine sur ses addictions. Elles préexistèrent au heavy metal, d'abord assez conforme à l'éthos du jeune anglais moyen quand Alford découvrit le métier d'éclairagiste de théâtre à 16 ans, puis s'intensifièrent avec la vie d'artiste, les déboires amoureux et les effets néfastes d'une claustration prolongée dans son placard honteux. Contrairement à tant de ses confrères, une seule cure de désintoxication lui suffit à s'en affranchir, et lui qui n'avait jamais chanté sobre se découvrit encore meilleur sur scène. La quête de l'amour, elle, requit encore une patience certaine et le récit des heures passées en tournée à appeler une cabine téléphonique de l'Alabama pour joindre le futur homme de sa vie, rencontré par petites annonces, ne manque pas d'émouvoir. Comme émeut l'apaisement qu'il éprouva dans la foulée d'une interview de 1998 sur MTV où il lâcha enfin la vérité d'un ton badin, sans l'avoir préparé, après quoi les réactions furent très largement positives. Qu'on ne s'y trompe pas. Confess n'a rien d'un mélo surchargé en chantilly ni d'une succession de ces leçons de vie en forme d'aphorismes dont on fait les posters motivationnels à la con. Ce serait mal connaître Rob Alford, pour qui le récit d'une existence de God of Metal, marque déposée homosexuelle, est surtout l'occasion d'exceller dans la truculence et l'autodérision. Truculence lorsqu'il raconte ses souvenirs de collégiens en rut échangeant en cas de besoin, c'est-à-dire constamment, une main secourable, pantalon d'uniforme sur les chevilles, avec ses petits camarades devenus depuis d'honorables grands-pères. Lorsqu'il bénit le fait d'avoir trop picolé avec le premier chanteur d'Iron Maiden, Paul Di'Anno, pour avoir tenté quoi que ce soit d'inopportun auprès de lui. Lorsqu'il confirme les sous-entendus salaces glissés par ses soins dans les textes du Priest, qu'ils fussent évidents, Eat Me Alive, Rodil, ou à peine moins, Joe Breaker. Lorsqu'il évoque son bannissement pour inconduite d'une base de Marines de San Diego où il avait pris ses habitudes, attiré par le côté aventureux que l'ennui conférait à ces jeunes gens en uniforme, le péché pas si mignon de l'auteur. Autodérision quand il assume pleinement son amour des chansons et des icônes pop prisées par les gays. Avec son premier petit ami, il passe des après-midi entiers à écouter Barbara Streisand. Alors que Judas Priest assure la première partie de Kiss, il cherche le moindre prétexte pour croiser Gene Simmons, dont la copine de l'époque, Cher, l'accompagne sur la tournée. Plus tard, il montre presque tous ses tatouages à une Madonna curieuse comme une chatte et s'émerveille de voir Lady Gaga tomber à genoux pour lui rendre hommage en plein concert. Et que dire de la réception où il croisera enfin la plus glamour des popstars, Sa Majesté Elisabeth II, à qui il tendra la main contre tous les usages et à qui il parviendra à faire dire les mots « heavy metal ». Les anecdotes que Rob Alford égrène n'ont pas tout à voir avec son appartenance aux « Friends of Dorothy », en référence au magicien d'Oz, mais divertissent comme rarement. se bouscule dans Confess les récits épiques d'une crèche vivante où le rôle d'un roi mage charria son lot de souffrances, un chaos auto-infligé avec le chambranle d'une porte juste avant la retransmission du combat Ali contre Sphinx, des blagues à base d'extincteurs qui vrillent dans un hôtel japonais, un trajet embarrassant en transport en commun vêtu de leur costume de scène pour que le groupe rallie à temps une salle de concert new-yorkaise, les écriteaux John et Yoko surplombant deux cuvettes de WC côte à côte dans la maison rachetée par Ringo Starr où fut enregistré British Steel, la panne de l'hélico venu secourir Judas Priest après une panne de leur bus de tournée vers San Antonio, la sortie incognito au cinéma de Glenn et Rob pour voir This is Spinal Tap et leur hurlement de rire tant le film s'avéra moins parodique que documentaire, les aventures de piètre conducteur de Rob, fracassant en quelques secondes à peine la mini de Ian Hill et sa propre Aston Martin 15 ans plus tard, sa démolition sous coke du téléphone d'un studio de LA avant de s'apercevoir que Dee Snider assista à la scène, médusé, deux strippers lui prodiguant un massage spécial sans happy end, le JP parfait qu'il dessine sur son crâne rasé avant un concert, en s'aidant d'un miroir donc inversé, sa rencontre à l'aéroport de Santiago du Chili avec un Lemmy Kilmister sur le point de décéder et un coup de pied dans un téléphone intrusif largement repris sur YouTube lors d'un concert à Chicago. La liste n'est pas exhaustive. Sans doute faut-il saluer le travail du prête-plume Ian Gittins, rompu à l'exercice de la biographie de Rockstar. On lui doit entre autres The Heroine Diaries, écrit avec Nikki Sixx, bassiste et tête pensante de Mötley Crüe, pour la qualité de l'écriture de Confess, son équilibre et sa fluidité, le sens de la note de bas de page qui tue, et plus généralement l'humour ravageur qui imprègne les 355 pages du livre. Il est toutefois entendu, pour qui connaît un peu le sujet, que le résultat n'eût pas été aussi brillant sans un matériau de base à la hauteur, et que Rob Halford s'impliqua sans doute dans pas mal des formulations retenues. En VO, on croirait littéralement l'entendre scander son texte. Il revient d'ailleurs sur son goût pour l'écriture, jamais démenti depuis le lycée, lui qui ne rallie aucune session d'enregistrement sans son Rogers Thesaurus, dictionnaire de synonymes faisant autorité dans la langue de Shakespeare et Jerry Halliwell. Aux côtés du Metal God, de la diva gay placardisée plus flamboyante et du bloc de Walsall qui ne fait pas de manière, l'auteur talentueux de textes riches de sous-entendus où il est presque toujours question d'obstacles à surmonter constitue l'une des dimensions essentielles du personnage unique qu'est Robert John Arthur Halford. Confess les saisit toutes avec une égale profondeur, c'est l'une des meilleures biographies des géants du rock qu'il m'ait été donné de lire.